Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en langue française et de ce soir à la présentation Jean-Marie Mayonga, la mise en onde est assurée par Albert Ndouaïo. Tout d'abord les titres. Les cas de vol inhabituels s'opèrent au centre urbain de la province Kirundo. Il y a 3 semaines, 5 personnes, dont une en flagrant délit, ont été appréhendées. Certaines formations politiques au Burundi plaident pour la prestation de serment de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante et CENI. Ces formations politiques demandent également l'adoption du nouveau code électoral et par le Parlement pour une bonne préparation des échéances électorales. Les personnes qui exercent des activités près de la rivière Nangwa déplorent du vol et des matériaux utilisés pour la construction du mur de soutènement des bergers de cette rivière. Voilà pour les titres. Bienvenue et bonne condition d'écoute. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page politique. Le parti APD a trouvé que le retard de la prestation de serment des membres de la Commission électorale et nationale indépendante CENI peut entraîner le retard des autres activités prévues pour la bonne préparation des prochaines élections. Alors que la nouvelle équipe a été nommée par décret présidentiel du 11 décembre dernier, Gabriel Bazaoui Tondé, président de l'APDR, estime que la nouvelle commission a du pain sur la planche, notamment le travail suivant le nouveau découpage administratif. Suivez-le. Depuis le 11 décembre, une commission électorale nationale indépendante a été mise en place. Mais jusqu'à maintenant, cette commission n'a pas prêté serment pour commencer les activités. Aujourd'hui, si on regarde bien que la commission a beaucoup de choses à faire, c'est pourquoi nous demandons que cette commission puisse prêter serment pour commencer les activités. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des mutations, des coupages administratifs que la CENI devrait s'approprier pour connaître les provinces, les communes, les zones, les collines. Mais aussi, il y a un fichier qui devrait être mise en place. Et dans ce cas, on peut demander est-ce qu'on va utiliser les cartes nationales d'identité qui nous disposent. Ou bien on va changer, puisqu'il y a des gens qui ont permis les collines natales. Mais aussi, il y a la mise en place de ces pieds, de ceci, au niveau des communes et des provinces. Et ces démembrements devront bénéficier des formations pour connaître quoi faire. Et aussi, il y aura des dialogues et des rencontres avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec toutes les parties prenantes des élections. C'est pourquoi, pour le parti APD, nous disons que cette commission devrait prêter serment pour commencer. En fait, qu'une année, 4 mois qui restent pour la tenue des élections puisse se passer en toute tranquillité, sans toutefois que demain, bien après demain, on aura des problèmes émanant des élections. C'est pourquoi aussi nous profiterons au cas de demander à qui de droit de tout faire pour la disponibilité du code électoral, en fait, que nous, les partis politiques, nous commençons à se conformer. Et le président du parti Kodebu, Iragi Gandadaye, indique quant à lui que la Commission électorale nationale indépendante sera perturbée par le retard de la promulgation du code électoral qui n'a pas encore été adopté par le Parlement. Kefan Nibidi souhaite que les membres de la CENI prêtent seulement le plus tôt possible pour bien préparer les prochaines échéances électorales. Suivez Kefan Nibidi. Cette nouvelle CENI vient de faire presque un mois alors qu'elle n'a pas encore prêté serment. Et là, on se demande si réellement l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées est une préoccupation du gouvernement, du moment que cette non-prestation de serment perturbe effectivement les activités de la CENI, notamment les activités courantes comme le paiement des salaires qui requiert la signature du président de cette commission. L'ancien président ne pouvant pas agir parce qu'il a été remplacé et l'actuel ne pouvant pas travailler et parce qu'il n'a pas encore prêté serment, mais aussi il y a une organisation de tout ce qui est des élections de 2025 qui devrait commencer le plus tôt possible. Alors, cette organisation sera aussi perturbée par le retard de la promulgation du code électoral qui est un outil très important de l'organisation des élections. C'est pour cette raison que nous demandons à ce que les autorités compétentes puissent organiser la prestation de serment de cette nouvelle commission pour qu'elle continue d'abord les activités courantes de la CENI, mais aussi se prépare ou s'habitue à ses nouvelles fonctions afin que le code électoral soit promulgué au moment où la nouvelle commission est prête à aborder toutes les étapes conscrites dans ce nouveau code qui vont dans le sens de préparation des élections de 2025. Page gouvernance, c'est les agents de l'administration publique qui sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Propos du directeur national de l'organisation, paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Il s'exprime après les grognes de certains habitants de la mairie de Bujumbura, se plaignent pour cause des prix des denrées alimentaires qui ne cessent de grimper. Le président de la République, Edi Bondi, a appelé dernièrement les Burundais, au cours d'une conférence publique, à prendre son exemple en augmentant la production. Selon Faustin Dikumana, il faut redéfinir les incompatibilités pour les cadres du pays afin d'éviter l'enrichissement illicite causé par le conflit entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Suivez-le. Dans notre vie, il y a des citoyens qui sont appelés à servir l'intérêt général. Ce sont les agents de l'administration, ce sont les mandataires publics, les cadres de l'État. Ceux-là sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Donc, les incompatibilités, c'était pour limiter ces conflits d'intérêts. Pour certaines catégories des agents publics, c'est du sacerdoce, la police, l'armée. Dans l'OTAN, on ne pouvait pas parler d'un bistrot, d'un commissaire de police, d'un bistrot, d'un ministre, d'un gouverneur, d'un administrateur. C'était impensable à l'époque. Parce que comment gérer une entité administrative, comment être un bon policier, un bon militaire, alors qu'on est ancré à servir ses intérêts privés liés au commerce ou quoi. Peut-être que la situation a perdu son sens avec la crise où les gens ont été appelés à faire des initiatives pour subvenir à la situation d'une vie chère grandissante. Mais même actuellement, il y a toujours, à travers par exemple la loi anticorruption, les articles qui rappellent aux fonctionnaires de l'État qu'ils sont astreints à séparer les activités d'intérêt privé et les activités d'intérêt général. C'est notamment la déclaration des biens avant l'entrée en fonction. Les limites de l'enrichissement illicite des hauts cadres de l'État, le blanchiment pour ne pas investir avec de l'argent sale, les marchés publics pour assouvir ses intérêts personnels, notamment en des marchés à des entreprises dont on est actionnaire, l'abus des biens sociaux, utiliser les biens et le matériel public à des fins privées. Donc finalement, on constate qu'on profite de la position dans l'administration pour servir ses intérêts privés, pour investir, pour s'enrichir de façon arrogante. Il faut améliorer le cadre de lutte contre la corruption pour redéfinir les incompatibilités de certaines catégories de personnes et laisser les gens choisir. Si vous voulez embrasser la carrière privée, restez dans le privé. Si vous voulez embrasser la carrière publique, il faut savoir observer les engagements que vous avez souscrits pour que votre fonction soit bien exécutée en servant l'intérêt général. Le journal continue, page environnement. Les travaux de protection des berges de la rivière Nangwa en bas du pont de la République sont menacés. Les personnes rencontrées sur place déplorent le vol des matériaux utilisés pour la construction du mur de soutènement de ces berges. Certains des riverains qui s'inquiètent de l'état actuel de cette rivière et craignent pour ce pont situé sur le boulevard Moïse Gisabo. Ils demandent une intervention rapide des autorités. Les détails avec Mireille Kanyang. Nous sommes sur la rivière Nahangwa, sur le pont de la République. La partie très menacée de cette rivière est située en aval du pont de la République. S'arrêtant sur ce pont, fixant le regard vers le bas, l'on voit à quelques mètres du dit pont devant soi des constructions tombées dans la rivière. L'on voit aussi des gabions et murs de soutènement déjà écroulés et la rivière passe d'un côté comme de l'autre. L'on voit également du sable, des pierres, des fers à béton, que ce soit du côté de Kigobe Sud Extension et de Nyakabiga. Pour Céleus Nimbona qui travaille tout près de cette rivière, la situation est alarmante. Cela fait suite au vol des fers à béton, dit-il. Si l'on regarde, l'on voit que cette rivière Nahangwa est menacée. C'est ce que vous voyez vous-même. Sur cette partie, tout s'est écroulé. Les fils et fers à béton sont volés pour qu'ils soient vendus. Même les policiers les traquent, mais ils s'enfuient. Cette destruction, vous le voyez, si vous regardez plus loin en amont, la rivière s'est coupée en deux. C'est une scène à laquelle nous avons assisté à 11h de ce lundi, où un jeune avec un sac à la main du côté de Kigobe Sud Extension arrachait les fers à béton et des fils. Lorsqu'il nous a aperçus, il s'est enfui. C'est une situation alarmante, confirme Marc Rugerinyange, docteur ingénieur et qui suit de près des questions environnementales. Il craint pour le pont de la République et appelle à une action urgente. Ce que j'ai constaté sur la rivière Nahangwa, mois dernièrement, la semaine passée, c'est que les barrages qui étaient construits en aval du pont de la République ont été détruits par les eaux. Donc aujourd'hui, il y a une menace directe sur le pont de la République. Je pense qu'il faut agir dans l'immédiat pour arrêter l'hémorragie. Ces ouvrages menacés sur la rivière Nahangwa ont été érigés dès 2018. Cet ingénieur appelle le gouvernement à suivre de près de tels ouvrages après réception définitive. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro, le journal continue, les nouvelles des provinces. Les habitants du chef-lieu de la province Muyinga, principalement les conducteurs des motos et vélos, demandent que les travaux de pavage et de différentes rues qui semblent être interrompus puissent se reprendre et s'achever le plus tôt possible. Ils regrettent que les matériaux de construction et boue se trouvant dans ces rues gênent la circulation. Ils saluent tout de même ce projet et espèrent une salubrité à la fin des travaux. Apollinaire Muzagar. Ces habitants du chef-lieu de la province Muyinga disent être très satisfaits des activités de pavage des différentes rues des quartiers de cette ville, mais ils déplorent le ralentissement ou même l'abandon momentané de ces activités alors qu'il y a beaucoup de matériaux laissés dans ces rues comme des grosses pierres, des boues et autres qui handicapent la circulation. Ils demandent par conséquent la reprise immédiate des travaux afin de normaliser la circulation. L'administrateur communal de Muyinga explique ce ralentissement des travaux par la pénurie de carburant qui a fait que des camions n'aillent pas s'approvisionner en ciment à l'usine Buseko ou amener des pavés, sable, gravier et autres. Il ajoute aussi les fortes précipitations qui paralysent également les activités de pavage. Amédi Misago indique tout de même qu'il s'est entretenu à propos avec les autorités de l'agence routière du Burundi et tranquillise que bientôt les travaux vont reprendre. De Muyinga, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et dans la province de Kirundo, des cas de vol inhabituels s'opèrent au centre urbain de la province Kirundo. Il y a 3 semaines, des vols nocturnes entrent dans des ménages qui détiennent des véhicules et vident le carburant. L'administration de la commune Kirundo annonce que 5 familles ont déjà été victimes de cette infraction, tandis que 5 personnes, dont une en flagrant délit, ont été appréhendées au cours de la semaine écoulée. Abraham Safari. 3 semaines s'écoulent avec le constat de vols nocturnes inhabituels au centre urbain de Kirundo. Ces derniers sont perpétrés pendant la nuit et visent les familles ayant des véhicules. Cependant, ces bandits viennent pendant la nuit et puisent tout le carburant se trouvant dans les véhicules. 5 véhicules pendant cette semaine ont été puisés du carburant et certains plus d'une fois. 3 personnes interviewées parmi les 5 qui ont été victimes de ce vol nocturne nous ont précisé qu'ils ont trouvé leur véhicule vide d'essence alors qu'ils étaient bien remplis. Le premier jour, j'ai pensé qu'il s'agissait des démons qui ont puisé mon véhicule. C'était la deuxième fois que j'ai réalisé que ce sont des voleurs. Lorsque j'ai vu les traces de l'essence sur le chemin, nous a signalé un propriétaire de véhicule du centre urbain de Kirundo. Ici, 5 personnes, dont une attrapée en flagrant délit avec de l'essence, sont dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. 4 autres ont été appréhendés en possession de 10 caisses de bière de Braroudi, dont 4 remplies de boissons, et ils les avaient volées dans une maison après l'avoir trouée. Ceux qui l'ont appréhendé vers la fin de cette semaine écoulée pensent qu'il peut y avoir une relation entre ces voleurs. L'administrateur de la commune de Kirundo, Haïman Aviateur, interpelle la population, surtout du centre urbain de Kirundo, à faire des rondes nocturnes chez eux. Cet administratif demande à toute la famille d'héberger les visiteurs bien connus et s'il y a une ou autre personne qui suscite des inquiétudes, qu'il faut immédiatement alerter l'administration. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et dans la province de Kayanza, les agriculteurs exploitant le marais de Nyandirika pour la culture du maïs en commune Butaganzwa de cette province disent que le rendement agricole des tubercules est de son côté sensiblement diminué, bien que le gouverneur de la province Kayanza appelle les administrateurs communaux à sensibiliser les agriculteurs à cultiver ce type de culture. Ceci parle du manque de semences. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture annonce que cette question a été soumise aux partenaires de ce secteur, Patrick Senghiouf. Le marais de Nyandirika de la commune Butaganzo en province Kayanza est l'un des marais aménagés pour la culture en bloc du maïs hybride dans le cadre du projet dit de production agricole et dirigeance. Les agriculteurs ayant exploité le marais de Nyandirika, qui s'étend sur une superficie de 51 hectares, disent attendre une production de maïs cultivée pendant la saison culturelle de l'année passée, estimée à 306 tonnes. Pourtant, ils disent qu'ils regrettent qu'ils ne cultivent plus comme avant les tubercules, surtout la culture de la patate douce. Certains des agriculteurs exploitant le marais de Nyandirika trouvent d'ailleurs que dans ce projet d'exploitation de ce marais, une partie serait destinée aux cultures vivrières comme le maïs et le haricot et une autre partie pour les tubercules et surtout la patate douce. Les mêmes agriculteurs indiquent néanmoins qu'il est difficile de trouver des boutiques de patate douce. La situation se présente ainsi au moment où le gouverneur de la province Kayanza exhorte les administrateurs communaux à sensibiliser la population à cultiver encore, à part le maïs hybride et les tubercules, aussi que surtout la patate douce. Interrogé au sujet du manque des boutiques de patate douce, et le directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza, Adeline Niosawa a indiqué que cette question sera soumise aux partenaires du secteur agricole pour y trouver une issue favorable. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et pour la province de Bururi, une amende de 10 000 francs bondés par vache a déjà été infligée à 4 éleveurs en moins d'une semaine par l'administration communale de Bururi suite à la violation de la mesure de stabilisation permanente. Au moment où certains éleveurs estiment que seuls les riches sont capables de respecter cette mesure, Félix Nyongabo, administrateur de la commune de Bururi, conseille les éleveurs de clôturer chacun sa propriété et garder les vaches à l'intérieur de la clôture afin d'éviter des litiges qui s'observent entre éleveurs et agriculteurs. Zeno Zamiman. Cette amende administrative de 10 000 francs burundais par vache a été infligée à 4 éleveurs des collines Mogozi et Kiremba en commune et province de Bururi pour avoir laissé leurs vaches paître sur les collines. À moins d'une semaine, selon l'administrateur de la commune de Bururi, une amende de 100 000 francs burundais a été infligée à ces éleveurs. Félix Nyongabo déplore que certains de ces éleveurs ont été attrapés dans les prairies des parcelles non bâties au chef-lieu de la province de Bururi. C'est au moment où cette administrative avait sorti un communiqué rappelant les éleveurs au respect de la mesure de stabilisation permanente, un communiqué qui a été lu même dans différentes églises il y a une semaine. Certains des éleveurs avec qui nous sommes entretenus confirment qu'ils se sont retrouvés dans les capacités de respecter cette mesure de stabilisation permanente en disant que seuls les riches en sont capables. Toutefois, après avoir entendu ce communiqué, certains de ces éleveurs disent qu'ils ont laissé leur troupeau à l'étable, mais grognent que leur troupeau risque de mourir de faim. Félix Nyongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, conseille ses éleveurs de songer à clôturer chacun sa propriété pour laisser les vaches brouter à l'intérieur de ces clôtures. Selon lui, cela permettra aussi de trouver une solution aux problèmes liés au cas de litige observé ces jours-ci entre certains des éleveurs et certains des agriculteurs dont leurs champs de culture sont quelquefois ravagés par ces animaux domestiques. Félix Nyongabo fait savoir que ces éleveurs qui osaient passer outre cette mesure prise par le ministère ayant l'élevage dans ses attributions doivent subir des sanctions administratives. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana, auditeur auditrice de radio Isanganiro. C'est passé que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les ondes de la radio Isanganiro. Le programme est continu. Au revoir.